J'aime ça jouer avec l'imaginaire, vous savez. Parce que c'est cette partie-là en nous qui peut nous permettre justement de créer toutes ces sensations-là. Puis d'aller un peu plus loin. Fait que je vous inviterai à déposer vos yeux. Puis on va plonger dans notre imaginaire. On va juste s'amuser ce matin. Tout en restant ici, bien sûr. Laissez-vous guider par ma voix. Puis imaginez. Laissez monter les images qui montent. Les sensations. On va juste se connecter à la respiration. Encore une chose qui est assez fantastique, la respiration. La respiration, c'est un automatisme qui se fait toute seule, sans qu'on ait besoin d'y réfléchir. C'est déjà une partie de notre inconscient, la respiration. Ça nous garde en vie. C'est quand même extraordinaire. Porte ton regard dans les mouvements et dans les sensations que tu ressens juste quand tu respires. Tout ce qui bouge à l'intérieur. Et comme vous savez maintenant, parce que vous le savez depuis toujours, quand vous inspirez la vie. Chaque petite molécule d'oxygène qui rentre à l'intérieur de votre corps, de vos poumons, est intégrée à votre sang, à vos globules, qui emprunte les millions de petits chemins qui sont les vaisseaux sanguins. Vaisseaux. Wow. Un vaisseau, ça peut être aussi un véhicule. Un vaisseau spatial. Qui voyage. Partout à l'intérieur de votre corps. Et qui amène la vie. Des bouts des orteils à la racine des cheveux jusqu'au bout des doigts. Qui traverse chacun de vos organes qui vous permet d'être en vie. Le cœur, le foie, les poumons, l'estomac et tous les autres organes. Dont un qui est mon préféré, le cerveau. Et naturellement, parce que tu aimes bien ressentir toute cette vie-là à l'intérieur de toi, ta respiration est devenue plus profonde. Comme si tu étais capable de rentrer de plus en plus en contact avec cette vie-là qui rentre à l'intérieur de toi. Et c'est fou comment tu contribues, et on contribue tous les êtres humains. Donner aussi. Oui, parce que quand tu inspires, tu expires. Et ton expiration amène de l'air qui se regorge d'oxygène et qui est aspiré par un autre être humain. T'imagines-tu? Le souffle que tu fais là, peut être aspiré par un autre être humain n'importe où sur la planète. prendre conscience que lorsque j'expire, je me relie aux autres. Et lorsque j'inspire, je me relie à tout être vivant sur la planète aussi. Donc, par ce geste de respirer, je suis reliée totalement, pleinement à tout être vivant sur la planète. Tu le sens? Sens-le à l'intérieur de toi, sens-le. Vois ce lien-là qui te relie. Ça défait les frontières. T'es ici puis t'es partout. Il y a une partie de toi qui est à l'autre bout de la planète, dans les poumons d'un petit bébé, ou à un autre endroit, à l'intérieur d'une belle grand-maman. Et toi, tu portes en toi tout l'univers. Ressens cette vibration. Ce voyage. Puis est-ce que c'est vraiment un voyage? Ou c'est quelque chose qui est permanent? Parce que tu es ici et tu es là-bas. Et c'est ton esprit qui s'ouvre. Ton âme qui se connecte. Qui se connecte à quoi? À la vie, à la source. Et est-ce que c'est juste le fait d'amener ta conscience à cette réalité qui fait que c'est réel? Ou cette réalité-là, elle est tout le temps? Même quand tu étais inconsciente, même quand tu ne portais pas ta conscience à ce phénomène, ça existait quand même. Donc même le fait d'en prendre conscience ou non, tu es toujours connecté avec tout. Donc, même si tu l'oublies dans les prochains jours, est-ce que ça veut dire que tu es déconnecté du tout? Est-ce que tu es capable de voir cet homme, cette femme, cet enfant, cette personne âgée, de toutes les couleurs, partout sur la planète, inspirer une partie de toi? Si tu n'y penses pas, est-ce que ça l'arrête? Non. Mais d'en être conscient, ouvre. Ouvre une partie. Prends un moment pour ressentir tout ce que tu as à ressentir. Dans chacune des cellules de ton corps, dans chacune des parties de ton corps. Prends un moment juste pour laisser aller tout. tout ce qui a besoin d'être laissé aller. Imagine. Entends, ressens tout ce qu'il y a à ressentir, à entendre et à voir. Inspire la source et expire dans la source. Un endroit où il n'y a plus d'espace, où il n'y a plus de limites, qui est infini. Chacune de tes respirations puise à la source. Et la source est en toi et partout. Il y a une autre chose qui est fascinante. Les cellules en nous sont rondes, comme la Terre, comme les planètes. Imagine la planète comme la cellule dans ton corps. Elle flotte. Elle flotte dans une immensité. Toi, t'es déçu. Vois cette belle boule ronde, si minuscule dans l'univers, avec toi déçu. Toi debout, tu peux sentir cette rondeur. Et toi, tu voyages sur cette planète. Cette petite boule ronde qui flotte comme ça dans l'espace. Et cet espace qui est dans l'univers, dans une galaxie parmi des milliers de galaxies. Est-ce que tu es capable d'imaginer, de voir? Ça peut faire peur un peu. Mais t'inquiète, je suis là. peut-être que toute cette immensité est aussi à l'intérieur de toi. Peut-être que la petite cellule à l'intérieur de toi fait la même chose que tu vis là. Pour elle, ton corps, c'est une immensité. Laisse ton esprit passer de l'intérieur à l'extérieur. De cette petite cellule toute ronde qui flotte dans ton système, dans ton corps. À la terre toute ronde qui flotte dans l'espace. C'est fou de réaliser à quel point c'est similaire. À quel point il y a des ressemblances. On est tous une grande famille. Liés les uns aux autres. Et même si tu ne l'avais pas réalisé avant, c'était là. Ça a toujours été. Et ça sera toujours. Que tu y penses ou que tu l'oublies, tu fais partie de la source. Tu fais partie de l'univers. Tu fais partie de cette grande chaîne qui est la vie. Une importance capitale. Cette chaîne qui voyage en dehors du temps à l'instant présent. Maintenant. Tout est parfait. C'est magnifique. Tu vas revenir à ton souffle. Tout doucement revenir dans les sensations dans ton corps. Bouger les mains, les pieds. Et prends le temps de bien ressentir, de bien connecter. Et en tout dernier lieu, tu vas pouvoir ouvrir les yeux avec un regard plus conscient, avec une curiosité, une fascination. De tout ce qui se passe autour de toi, à l'intérieur de toi. Et tout ce que tu vois pas aussi.